mou ka pousse mwen pou vin echwe an de Pati man la rentre bonè Kapiten a ken an mwen Katon a si ke la Avan mwen te voyaje Olou a gaman ke ekraze Santi man ou te kwese L'an mè te bel an navigè An vogue si tout lò ou se yon Mè jodi mwen mè akoste Sensation à vivre en moi Vini, vini, vini, vini Darling Vini plonger en bois en moi Nous que baigner à dans la mer bonheur Sa mwen deside Mwen pare pou mwen risive Apresye sa ou ke bon mwen Chak soleil ki ke leve Je dis moi qu'à débarquer Et c'est pour être pour tout